De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1. On passe maintenant à un tout autre sujet, celui des polluants émergents, c'est-à-dire des molécules qui persistent dans l'eau des rivières et qui ont des conséquences néfastes sur la faune et la flore et éventuellement pour la consommation humaine. Alors, pour nous en parler, nous recevons Anne Carabin, qui est étudiante à la maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS. Bonjour Anne. Bonjour François. Alors Anne, tout d'abord, quand on parle de polluants émergents, on parle de quoi exactement? En fait, on parle de polluants qui viennent principalement d'industrialisation, de notre nouvelle industrialisation, et qui se trouvent à l'état de trace, comme on l'a dit, dans l'environnement. Donc, état de trace, ça veut dire 10 à la moins 6 grammes par litre, 10 à la moins 9 grammes par litre. Donc, c'est des concentrations qui sont vraiment très diluées. Oui, parce que quand on parle de 10 à la moins 9, c'est des nanogrammes, c'est un milliardième de gramme. C'est ça. C'est vraiment petit. C'est ça, c'est des nanogrammes et des microgrammes par litre. Donc, c'est vraiment très, très dilué. Ouais, OK. Et cette problématique-là, justement, a été émise au jour depuis à peu près plus ou moins 15 ans. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de contamination des eaux grâce à la détection, à l'évolution des techniques de détection à l'analytique. Donc, chromatographie liquide, chromatographie de masse, ça a permis justement de s'apercevoir qu'il y avait un problème de contamination, des traces évidemment. Et évidemment aussi, plus que les méthodes sont sensibles, évidemment plus qu'on trouve de contaminants. C'est ça. Et les méthodes qu'on a développé, bien évidemment, c'est pour les contaminants qu'on connaît. Mais peut-être que si on développait d'autres méthodes, on s'apercevrait qu'il y a d'autres contaminants. Effectivement. Ça, c'est important à y penser. Donc, on ne les voit pas nécessairement tous, là, c'est ça? Non, c'est ça. C'est comme si on prenait des jumelles, puis on zoomait à un endroit, mais en réalité, on n'a pas tout le pattern qui se trouve dans les eaux. Il y en aurait beaucoup trop, j'imagine, aussi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces polluants qui sont nouvellement détectés? Oui, en fait, c'est ça. Donc, c'est des produits de l'industrialisation, mais aussi, ça vient du milieu agricole, ça vient aussi des égouts municipaux. Donc, on va donner quelques exemples, parce qu'il y en aurait pas mal. Mais on peut penser aux pesticides. On peut penser aux produits de soins personnels qui sont peut-être moins connus, mais comme les filtres UV qu'on va trouver dans les crèmes solaires, parabène qui va être trouvée dans les cosmétiques, dans l'alimentation. Donc, c'est des bactériostatiques. Enfin, c'est un bactériostatique. Il y a les hormones aussi, par exemple, dans les pilules contraceptives qu'on va prendre. La nicotine, la caféine aussi, qui est surprenant. Et c'est de la caféine, évidemment, bu par les humains. Oui, c'est ça. Qui est excrétée de façon naturelle, puis qui après se retrouve dans les eaux. C'est assez connu comme problématique aussi. Okay. Et il y a les faux sucres, qui sont assez persistants. Qu'est-ce que c'est, les faux sucres? Par exemple, la saccharine, la sucralose, qu'on prend pour remplacer... Les sucres. C'est ça. Ceux que les diabétiques, par exemple, vont prendre. Et les produits pharmaceutiques. Donc, moi, je travaille particulièrement sur un produit pharmaceutique. OK. Et j'imagine aussi que, bon, là, on vient d'énumérer un paquet de molécules, mais j'imagine qu'il y a un paquet aussi de sous-produits de ces molécules-là aussi qu'on peut peut-être chercher ou... C'est ça. En fait, c'est ça toute la grande problématique de ces composés-là, c'est que, par exemple, le principal facteur qui explique la présence de polluants pharmaceutiques dans l'environnement, c'est le rejet des effluents. Donc, les effluents sont contaminés. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des médicaments et aussi parce qu'on va se débarrasser des médicaments dans l'évier ou dans les toilettes. Okay. Chose à ne pas faire, d'ailleurs, parce que ça contamine. À cause de ça, effectivement. Mais il y a aussi l'agriculture, l'épandage et l'excrétion animale. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un médicament. Quand on prend de l'aspirine, par exemple, l'aspirine va être métabolisée selon un certain ratio. Ça va changer de molécule en molécule, dépendamment de nos enzymes, dépendamment du caractère physico-chimique de la molécule. Et il va avoir création de ces nouveaux composés. Ça va être des composés dérivés de la molécule mère, par exemple l'aspirine. Mais ces composés-là peuvent être actifs. Ils peuvent être ou non actifs, dépendamment de comment a été transformée la molécule. Mais comme vous dites, c'est vraiment important de s'y intéresser aussi. Je ne vais pas parler de mes recherches, mais moi, je travaille sur la carbamazépine, qui est un polluant persistant dans les eaux à travers le monde et détecté partout. Et cette molécule-là particulière, c'est un antiépileptique, mais est métabolisée à hauteur de 97%. Donc, ça veut dire qu'il y a 3% qui va ressortir sous forme excrétée, sous forme de carbamazépine, mais après, il va avoir 97% de dérivés. Donc, comme vous dites, c'est vraiment important de s'y occuper parce que... Ils peuvent être aussi actifs, là. Effectivement. Et peut-être même plus actifs, peut-être plus toxiques aussi. En fait, on parle d'activité, mais on peut parler aussi de toxicité. Certains métabolites, parfois, sont plus toxiques que les molécules mères, en fait. Oui, ça dépend de comment ils ont été transformés, en fait, par le corps et par les usines. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que, comme vous venez de dire, c'est qu'il y a un certain pourcentage qui aussi n'est pas métabolisé, mais qui passe tout droit. Oui. Donc, comme l'aspirine... On peut en excréter aussi probablement par l'urine, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, on peut en trouver aussi si on en consomme dans les eaux. Oui, c'est ça. Et à quand, en fait, remonte leur détection? En fait, plus ou moins 10 ans à peu près. Et ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'on a mis au point justement ces méthodes très poussées pour la détection. Parce que là, on parle de contaminants trace. Donc c'est sûr que ça prend des méthodes extrêmement poussées, détection très très très fine. Uh-huh. Et ça prend évidemment des nouvelles technologies là, qui n'étaient pas disponibles avant. Uh-huh. On parle presque de... Mais j'allais dire, tu sais, la science homéopathie, des concentrations homéopathiques, en fait, en blague que je dis ça. Alors, on les retrouve à quelle concentration ces molécules dans de l'eau? En fait, on parlait tout à l'heure de 10 à la moins 6 ou 10 à la moins 9 grammes, donc des microgrammes ou des nanogrammes. Oui. Ouais, c'est ça. C'est évidemment, c'est des traces. Hein, on peut se demander d'ailleurs pourquoi est-ce que des traces sont si. Pourquoi est-ce que ça sert? À quoi ça sert de s'intéresser à ces traces-là? Mais c'est parce que si on prend l'exemple des produits pharmaceutiques, c'est des molécules qui sont faites pour être physiologiquement actives. Uh-huh. Donc, ça se peut qu'elles soient plus actives après leur passage après l'usine. Ça se peut qu'elles soient complètement dégradées. Mais s'il reste des traces, ça peut comporter un danger parce qu'on ne sait pas comment elles vont interagir avec les organismes. Il y a quand même. Par exemple, si une molécule, un composé pharmaceutique agit sur un récepteur cellulaire et que, bon, je donne un exemple bébête là, mais si le poisson, la truite arc-en-ciel possède le même récepteur, ben on peut potentiellement penser que ça va créer aussi un effet chez le poisson. Donc, c'est extrêmement complexe à essayer de prédire le destin de ces, et puis les effets aussi. Et j'imagine que si une molécule est extrêmement active, effectivement, même si elle est présente de l'ordre du microgramme ou du nanogramme, ça peut peut-être quand même avoir une certaine activité. Oui, ben, comme les hormones, par exemple. Oui, l'hormone, ben, les hormones, ça se trouve, donc, il y a des synthétiques, il y a des naturelles, mais l'hormone qui se trouve principalement dans la pilule contraceptive, donc je vais sortir un gros nom, mais c'est la 17-alpha éthinyl estradiol, celle-là est particulièrement nocive parce qu'elle est active entre 1 et 4 nanogrammes par litre chez le poisson. Donc ça va provoquer un effet estrogénique. Donc c'est potentiellement dangereux parce que c'est les contaminations, les concentrations qu'on retrouve dans l'environnement. Oui, d'accord. Et en fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Comment en fait ces composés se retrouvent dans les eaux? Bon, en fait, on l'a dit. Par les effluents majoritairement. Ouais. Par les effluents. Par l'excrétion justement. Oui, c'est la principale source là, parce que on consomme énormément de médicaments, je veux dire, dans les pays industrialisés. Donc évidemment, faut que ces molécules-là aillent quelque part. Il faut qu'elles soient traitées. Donc elles sont concentrées à l'usine d'épuration. Puis après, bon. C'est sûr que les techniques d'assainissement sont très efficaces, mais devant ce panel, cette diversité de molécules qu'il y a, ben c'est sûr que les méthodes d'assainissement, les techniques ont leurs limites. Ouais, et malheureusement, on le voit grâce à ces techniques-là. Parce que comme vous le dites, effectivement, il y a des traitements. Effectivement, normalement, c'est pas rejeté à l'état brut. C'est traité avant d'être rejeté au cours d'eau, mais ça fait pas le travail à 100%. En fait, il y a des molécules qui réussissent à passer les traitements et surtout en faible concentration. Finalement. C'est ça. Mais il faut quand même dire à nos auditeurs que la plupart des molécules sont enlevées. Mais c'est juste qu'on a tellement une industrialisation, pas dire extrême, mais une grande industrialisation. Il y a tellement de molécules qui arrivent à l'usine que finalement, ben, ça se peut que dépendamment des caractères physico-chimiques de la molécule, elle passe tout droit. Comme la molécule sur laquelle je travaille, qui est extrêmement persistante, elle est persistante parce que, bon, vous connaissez peut-être le traitement des boues activées, ben, elle est peu enlevée dans les boues activées. Parce que les boues activées, normalement, il y a de l'adsorption qui se passe, donc ça veut dire que le composé va être retenu à la surface, directement des boues, ou alors il va avoir une biodégradation à cause de la communauté bactérienne. Exactement. Mais là, elle n'est pas biodégradable et elle n'est pas adsorbable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle est relâchée dans l'environnement. C'est un fait. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à penser qu'une molécule pourrait même inhiber l'action de certaines bactéries Les antibiotiques, peut-être, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est un fait, oui. Parce qu'on trouve aussi des antibiotiques dans l'environnement. Les tétracyclines, la pénicilline et détecter encore une fois l'état de trace. Donc c'est sûr que lorsque des antibiotiques arrivent là, sous leur forme, disons, inchangée, parce qu'il peut y avoir aussi des métabolites, c'est ça la molécule mère, elle va peut-être inhiber certaines bactéries. Ben oui. Mais il faut regarder aussi les concentrations, il y a plein de choses à regarder, mais on peut penser que oui. Et ça pourrait rendre moins efficace finalement le traitement. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les antibiotiques, ça reste un enjeu majeur dans le traitement d'assainissement, puis parce que bon, non seulement ça va avoir des effets aussi dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines, mais aussi un effet à même le traitement. Effectivement, tout à fait. Alors, si je comprends bien, un produit pharmaceutique poursuit tout un chemin depuis l'ingestion jusqu'au milieu naturel. Est-ce que c'est difficile de suivre le destin ou encore le devenir d'un produit chimique, d'un produit pharmaceutique dans l'environnement? Ah oui, c'est très compliqué parce que, comme on a dit, donc il y a la molécule mère à suivre. et il y a les métabolites, mais il y a aussi certains composés qui sont formés à travers le traitement. Le but d'un traitement, c'est de minéraliser. Donc ça veut dire c'est transformé en CO2 et en eau. Si la molécule est persistante, ça se peut qu'il y ait création de nouveaux composés. C'est le cas, par exemple. Lorsqu'on essaie de designer, d'optimiser les traitements, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Pour pas essayer qu'on crée des molécules qui sont plus toxiques que ce qu'on essaye d'enlever. C'est un peu contradictoire. Oui, ce fait, effectivement. En fait, on raterait l'objectif. Oui, c'est ça. On empirerait, en fait, le fait. Alors, on se doute que ces polluants ne sont pas sans effet sur l'environnement, la faune, la flore et l'humain. Est-ce qu'on peut évaluer la toxicité à l'échelle environnementale? Oui, on peut. C'est-à-dire, on va le faire en laboratoire grâce à des organismes cibles. On va tester des effets aigus, chroniques. Uh-huh. Mais évidemment, on essaye de regarder en laboratoire ce qui se passe dans la nature. Donc, c'est sûr qu'il y a un biais, mais ça donne au moins, disons, une estimation de ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et dans les cours d'eau, il doit y avoir plusieurs types de polluants. Est-ce que ça complique les évaluations environnementales, ça? Oui, parce que donc le problème avec les effluents, c'est que lorsqu'ils sont déchargés dans les rivières, par exemple, c'est sous forme de cocktail chimique. Donc si vous avez plusieurs polluants persistants qui sont déchargés, ben là, vous n'avez plus un polluant, mais vous en avez plein à différentes concentrations. Et là, il peut avoir des effets additifs entre les composés. Additif, est-ce qu'on pourrait même parler de potentialisateur aussi? C'est-à-dire plus qu'additif ou On parle d'effets synergiques. Synergiques, c'est ça? S'ils ont le même mécanisme d'action, par exemple. Okay. Mais le problème pour les produits pharmaceutiques, en tout cas, c'est que la plupart des... Certains mécanismes d'action sont peu connus. Okay. Donc là, on met dans l'environnement des choses dont... Des composés dont on ne sait pas trop comment ils vont réagir et comment quels effets ils vont provoquer chez la faune et la flore. D'accord. Donc ça, c'est un danger aussi. Et quand on parle de concentration à l'état de trace, est-ce que c'est suffisant pour présenter un danger environnemental? Oui, pour les hormones, par exemple, dont on parle. Puis il y a aussi les effets chroniques. Les effets chroniques sont le danger le plus important, on va dire, plus que les effets aigus. Les effets à long terme, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que là, la faune et la flore vont être, disons, soumis toute leur vie, finalement, aux effluents. À des petites concentrations, mais qui restent présentes tout le temps. Donc là... Au niveau écotoxicologie, ça devient très compliqué à évaluer parce que là, on a des effets chroniques, mais il faudrait l'évaluer sur des années et des années. On a cette espèce de cocktail chimique de polluants persistants qui va changer, qui va varier d'une région à l'autre, d'une concentration à l'autre. Donc ça devient très compliqué à évaluer là. Oui, c'est un fait. On a parlé aussi des effets toxiques aigus, mais qu'en est-il des effets chroniques? On vient de le dire là. En Ouais, ça dépend des polluants, ça va dépendre des concentrations, ça va dépendre de plein de choses. Mais ça, on n'a pas le choix de le tester en laboratoire, mais il y a des études qui sont sorties il n'y a pas longtemps parce que ce phénomène de cocktail est pris en considération depuis peu. Oui, c'est un fait. Mais on vient de s'apercevoir qu'effectivement, il y a pas mal d'effets synergiques. Et ça, c'est sûr qu'il faut s'y intéresser, là. C'est un fait, on ne peut pas les ignorer. Non, c'est ça. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup, Anne. Alors, c'est une vaste problématique. Puis, si les polluants franchissent les stations d'épuration à la sortie de la ville, on peut se demander s'ils sont éliminés en usine de production d'eau potable et, évidemment, si des traces ne subsistent pas dans l'eau du robinet que l'on boit. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des traces. Mais après, il y a des mécanismes et des procédés de traitement d'eau potable qui sont très efficaces, heureusement. Alors, merci beaucoup, Anne. Alors, je rappelle que Anne Carabin est étudiante à la maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS. Et maintenant, on fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on plonge dans l'univers des Mayas.